Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Merci de nous écouter et le samedi et le dimanche à 11h. Et ouvrons l'émission aujourd'hui avec Arthur Rubinstein dans Chopin. Alors Arthur Rubinstein, je pense que beaucoup le connaissent quand même parmi vous. C'est un pianiste essentiel du XXe siècle qui est d'ailleurs plutôt associé à Chopin qu'à n'importe quel autre compositeur. Il fut vraiment un grand interprète de Chopin qu'il joua toute sa vie. Il était né en 1887, il est mort en 1982. À l'âge de 95 ans, et il a donné son premier concert à 13 ans en 1900 et son dernier à Londres en 1976. Donc toute une vie de musique, 76 ans de concert, c'est incroyable. Et Rubinstein, c'était vraiment un homme généreux qui aimait la vie. Et pourtant, très jeune, il avait fait une tentative de suicide parce qu'il n'était pas convaincu par son talent, pas convaincu par ses moyens pianistiques, et donc il ne voyait pas d'avenir pour lui. Et cette expérience malheureuse dont il a ri un peu plus tard, eh bien finalement, lui a éveillé des tas de passions pour la vie et puis pour tout ce qu'il aimait, la peinture, la littérature, bien sûr, la poésie. Et la musique espagnole aussi, oui, parce que Rubinstein avait découvert la musique espagnole lors d'un séjour en Espagne au début des années 1910, et il s'est pris d'un amour immodéré pour la musique de Granados, Albéniz, entre autres. Mais pour ce matin, on va le retrouver dans Chopin, le cinquième nocturne, opus 15, joué par donc Arthur Rubinstein. Le cinquième nocturne de Frédéric Chopin par Arthur Rubinstein. Et tout autre chose maintenant avec Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, c'est vraiment le principal compositeur français au XVIIIe siècle. Il était né en 1683, mort en 1764. Et il a commencé à composer des opéras assez tardivement, alors qu'il avait déjà atteint la cinquantaine. Auparavant, il s'était fait connaître avec des recueils de pièces de clavecin absolument admirables. Il était protégé par un riche fermier général, monsieur de la Pouplinière, qui a vraiment subvenu à ses besoins. Et Rameau, bah vraiment, c'est le compositeur d'opéra de cette période. Il a été redécouvert au début du XXe siècle, grâce notamment à Camille Saint-Saëns et d'autres compositeurs, Vincent d'Indy, qui se sont penchés sur son œuvre et qui ont ressuscité certains ouvrages. Mais il faut le dire, Rameau a été surtout redécouvert avec le disque à partir des années 60-70. Et on a redécouvert évidemment les merveilles de ces opéras comme Platée, Les Indes Galantes, etc. Alors pour ce matin, on va écouter une ouverture, Zaïs, interprétée par l'un des grands spécialistes à mon sens de Rameau. C'est le claveciniste et chef d'orchestre Christophe Rousset qui dirige son ensemble Les Talents Lyriques. Thank you. l'ouverture de Zaïs de Jean-Philippe Rameau avec l'ensemble Les Talents Lyriques et Christophe Rousset. On continue avec un autre compositeur français d'opéra, c'est Charles Gounod. Alors Charles Gounod, il a vécu au siècle suivant par rapport à Rameau. Il est né en 1818, il est mort en 1893. C'était un colosse, hein, vraiment quelqu'un, un homme très très grand, avec une forte corpulence et puis une grande barbe à la Charlemagne. Il impressionnait tout le monde et c'est vraiment un compositeur essentiel, là encore, de son temps. Charles Gounod, il s'est mis assez tardivement à l'opéra, sur les conseils de la chanteuse Pauline Viardot, parce qu'auparavant, il a composé beaucoup de musique sacrée. C'était un homme qui était habité d'une ferveur religieuse intense. Il hésitait à aborder l'opéra. Et puis, il a laissé, bien sûr, des choses admirables et qui comptent beaucoup dans l'histoire de l'opéra, comme Faust, évidemment, mais aussi Mireille, qui est un opéra inspiré par un texte de Frédéric Mistral, le grand auteur provençal, qui a contribué d'ailleurs à l'élaboration du livret de l'opéra Mireille de Gounod. Allez, voici un air tiré de cet opéra, « Aux légères hirondelles », c'est l'air de Mireille, et c'est chanté par Olga Peretiatko. L'orchestre symphonique de la radio de Hambourg est dirigé par Enrique Mazzola. Thank you. Oh, légère hirondelle, tirée de l'opéra Mireille de Charles Gounod avec Olga Peretiatko soprano et l'orchestre de la radio de Hambourg dirigé par Enrique Mazzola. Brahms, lui, n'a pas composé d'opéra, il n'a jamais trouvé le livret idéal. Il y avait songé tout de même, mais puis finalement il y a toujours renoncé parce qu'il ne se sentait pas inspiré par ce genre. Je pense que c'est surtout la raison qui fait qu'il n'a jamais composé d'opéra. Et pour autant, quel compositeur? Évidemment, son domaine de prédilection, c'était la musique pour piano, la musique de chambre, le lied et aussi, bien sûr, la musique symphonique. Pour ce matin, on va écouter le final, Allegretto grazioso, de sa troisième sonate pour violon et piano. C'est une œuvre qui date de 1888. Et je vous propose de l'écouter par l'un des plus fameux duos piano-violon. C'est Christian Ferras avec Pierre Barbizet. Christian Ferras, extraordinaire violoniste, qui était un élève de Georges Enescu, compositeur et violoniste roumain, qui a été aussi le professeur de Yehudi Menuhin. Christian Ferras était né en 1933. Il a vraiment été l'un des plus grands violonistes de son temps. Il a enregistré avec Herbert von Karajan, qui évidemment n'enregistrait pas avec le premier violoniste venu. Et malheureusement, des problèmes d'alcool ont un peu altéré son jeu vers la fin de sa vie. Il s'est suicidé en 1982, le même jour de la mort de Grace Kelly, ce qui fait que son suicide est passé un peu inaperçu. Mais enfin, il est vrai que la mort des musiciens classiques n'intéresse guère les médias. On l'a encore vu avec la disparition récente du chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa. Voici le final de cette troisième sonate de Brahms, duo Christian Ferras-Pierre Barbizet. Vraiment un disque de légende paru autrefois chez Deutsche Grammophon. Thank you. Finale, Allegretto Grazioso de la troisième sonate pour violon et piano de Johannes Brahms, avec Christian Ferras au violon et Pierre Barbizet au piano. Schubert et sa musique sacrée, on peut pas dire que ce soit le pan le plus connu de l'œuvre de Schubert. Bon, on a quelques enregistrements de certaines messes, la messe Deutsch 950 évidemment est la plus célèbre. Enfin, le reste n'est pas très très souvent enregistré, et pourtant que de merveilles dans ce répertoire. Schubert était croyant, comme la plupart des gens de son époque évidemment, même s'il s'apparente plus à un agnostique qu'un croyant lié aux églises. Donc on va écouter un peu de ce Stabat Mater de Schubert, du Stabat Mater de Schubert, ça veut dire « la mère est à genoux », évidemment une évocation de la mort du Christ. Et je vous propose d'écouter l'un des chœurs de ce Stabat Mater, composé d'ailleurs en 1816, Schubert a tout juste 19 ans, avec l'un des grands ensembles vocaux et orchestraux spécialisés dans le répertoire sacré. C'est celui de Michel Corbeau, avec l'ensemble vocal de Lausanne et l'orchestre de chambre de Lausanne. Thank you. Un chœur tiré du Stabat Mater de Schubert, Franz Schubert, le Stabat Mater Deutsch 383, interprété par le chœur et orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Michel Corbeau. On va continuer avec Beethoven, vous savez qu'on a un cycle, hein, des sonates de Beethoven, je vous présente chaque semaine une sonate par émission, donc on en est à la sonate numéro 7, peut-être l'une des plus importantes des sonates de jeunesse, parce que cette sonate numéro 7 ouvre vraiment la musique romantique. Je trouve que c'est plus une sonate qui tourne vers le romantisme musical que les premières sonates, plus inspirées par les sonates de Haydn. On va l'écouter, enfin tout au moins on va écouter le premier mouvement, qui est un presto interprété par Stephen Kovacevic. Thank you. le presto de la 7e sonate pour piano de Beethoven, interprétée par Stephen Kovacevic. Et on continue avec de la musique symphonique, celle de Tchaïkovski, son capriccio italien. Alors Tchaïkovski avait une vraie passion pour l'Italie, c'était un peu sa seconde patrie. Il aimait aussi beaucoup la France parce qu'il parlait un français correct. Sa gouvernante, lorsqu'il était enfant, était française, donc elle lui avait appris vraiment le français, qui était la langue qu'il fallait parler dans les milieux les plus distingués, si je puis dire. Et Tchaïkovski, donc l'Italie, il y allait souvent. Il a ramené un sextuor de Florence qui est vraiment témoigne de l'amour qu'il avait pour ce pays, mais aussi un capriccio italien qui est un petit peu chez Tchaïkovski l'équivalent de la symphonie italienne chez Mendelssohn. On va écouter un petit extrait, la conclusion de cette œuvre, capriccio italien, avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé vers la fin des années 50 par un grand chef d'orchestre de l'époque, c'est Dimitri Mitropoulos, qui était grec et qui était vraiment un chef extrêmement impressionnant par la qualité de ses analyses, par son charisme. Et les musiciens du Philharmonique de New York, qui jouèrent souvent sous sa direction, ont raconté bien longtemps après la disparition de Mitropoulos combien ce chef d'orchestre les avait marqués. Allez, on écoute un petit peu du capriccio italien de Tchaïkovski avec l'Orchestre Philharmonique de New York et Dimitri Mitropoulos. Conclusion du capriccio italien de Tchaïkovski avec l'orchestre philharmonique de New York et Dimitri Mitropoulos. On va retrouver ce chef et son orchestre. À peu près à la même époque, 1957, il enregistre Les Nuits d'été d'Hector Berlioz, 6 mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier. Voici la première de ces mélodies, Villanelle, chantée par Eleonore Streber, et puis toujours donc l'orchestre philharmonique de New York, dirigé par Dimitri Mitropoulos. Villanelle, la première des Nuits d'été d'Hector Berlioz, chantée par Eleonore Streber, l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Dimitri Mitropoulos. Et s'il y a bien un musicien qui a aidé Berlioz, c'est Paganini. Il lui avait remis une somme importante, même extrêmement importante, pour l'aider à vivre, à composer son Roméo et Juliette. C'est une somme de 20 000 francs à l'époque. Vraiment, c'était beaucoup d'argent. Et ça a permis justement à Berlioz de composer sans souci matériel. Alors pour remercier Paganini, la moindre des choses, c'était quand même de lui dédicacer sa légende dramatique Roméo et Juliette, ce qu'il a fait. Paganini, c'est vraiment l'un des musiciens les plus étonnants de l'histoire de la musique. Il était très mince, svelte, avec des longs cheveux bouclés, des boucles d'oreilles, et puis un visage très creusé, un homme qui faisait beaucoup d'effets à chacune de ses apparitions. On le disait habité par le diable, tellement il jouait bien du violon, et on sait que le violon est l'instrument du diable dans les légendes populaires. Bref, un personnage extraordinaire et d'une grande générosité. C'était aussi un virtuose de la guitare, faut le signaler, parce qu'il n'y a pas tant que ça de musiciens classiques qui jouaient de la guitare au niveau certainement où en jouait Niccolo Paganini. Allez, voici un peu de sa sonate Varsavia, jouée par le violoniste Gidon Kremer, entouré par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Riccardo Muti. début de la sonate Varsavia de Paganini avec Gidon Kremer, l'orchestre philharmonique de Vienne, Riccardo Muti. On termine avec un, comme on a commencé, hein, avec un nocturne de Chopin, le deuxième nocturne de l'opus 9, toujours par Arthur Rubinstein. Le deuxième nocturne de Frédéric Chopin, joué par Arthur Rubinstein. Et bien voilà, on en reste là pour ce samedi. On se retrouve demain dimanche. J'aurai le plaisir d'accueillir dans l'émission Philippe Fosseux et Ghislaine Dalman-Richard, qui sont responsables de l'association Lorraine de musique de chambre, et on présentera les prochains concerts de la LMC. Alors à demain, dimanche à 11h. Bon samedi à toutes et à tous.